à la maison d'édition des livres de l'enseignement supérieur de la Corée, on a fait paraître plus de 310 sortes de manuels et livres de référence pour le développement de l'enseignement national. Les cadres, journalistes et rédacteurs de cette maison d'édition ont défini nouvellement le contenu des ouvrages didactiques des matières de base et des manuels pour écoles de toutes catégories et décrit les réalisations de la technoscience de pointe pour rehausser toujours la capacité intellectuelle d'application et d'indépendance des élèves. Sont édités des dizaines de sortes de livres de référence pour la formation des talents des secteurs correspondants pour les écoles supérieures techniques et professionnelles. Parmi les livres nouveaux figurent aussi les données pour l'éducation en 5.1 et 2, les livres des connaissances générales et les multimédias originaux.